Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Vincent, et toi non plus, Patrick Fury. Il ne faut pas s'énerver, Carole. C'est Maître Abdul qui m'a pris sous son aile pour que je devienne calme et que je vive désormais dans la sérénité. Maître Abdul, je t'en foutrais, moi, des Maître Abdul. Ici, on n'est pas comme au 05 85 65 95 65. Oh, Carole, t'es vraiment trop drôle. Oh, toi, arrête de te marrer et sors. Mais... Sors, qu'est-ce que tu fous là, d'ailleurs, hein? À siroter ta bière à 10h du matin, tu devrais pas chercher du travail, monsieur Jean branle pas une qui branle rien? Eh. Mais son nom agent, ça fait un jeu de mots. Eh, c'est génial, c'est super drôle, j'avais jamais remarqué. Mais je voulais pas, enfin quoi, je buvais juste un demi, Carole, comme d'habitude. Sors! Mais enfin, Carole, on est potes quand même. Mais nom de Dieu, je parle pas tahitien, merde, allez sors ou je te fous mon pied au cul. Bon. Ouais, ça t'a raison Patrick, il est pas gentil aujourd'hui ton maître. Et en plus on dit je parle pas chinois et non pas tahitien. Et si je parle chinois, hein, qu'est-ce que je dis? Je dis je parle chinois mais l'autre il comprend rien, hein. Je comprends plus. Je suis énervé! On n'avait pas remarqué, Carole, pas du tout. Mais bon Dieu, Patrick Fury, t'es un poulpe de garde! Comment t'as pu laisser Vincent partir de sa chambre? Mademoiselle Rebecca avait bien dit de prendre soin de lui! Ça, c'est vrai, il a rien pu faire, Carole. Abdul, il a des pouvoirs bizarres. Allez, Patrick, va dans la remise! Je veux plus te voir! T'es vraiment pas un bon poulpe! Ah non, ça, t'es pas un bon poulpe! C'est bizarre de voir un poulpe glisser sur le sol de votre bar, Carole. Ça laisse des traces comme des escargots. Oui, c'est bizarre et c'est brillant. Ça me rappelle quand ma sœur Jean-Pierre faisait le grand écart ici même. On vire dans la vulgarité facile, là. Oh, Vincent, si vous saviez comme je me suis fait un sang d'encre pour vous. En fait, vous m'aimez bien alors. Moi aussi, je vous aime, Carole. Vous êtes un mec génial. Depuis que nous sommes arrivés à Bitbourg, Rebecca et moi, vous avez vraiment été le seul à me soutenir. Maintenant, et grâce à Abdul Pola, le seul épicier thaumaturge que je connaisse, je vais faire le bien autour de moi. Ouais, bon, enfin, bref. Et Rebecca, elle a dit quand elle compte revenir à Bitbourg? Oh, vous savez, je sais pas, elle avait un truc à régler dans votre bureau dans la grande ville, comme elle dit. Ah. Oh, bonjour, mademoiselle Bogdanov. Bonjour. Bonjour, Vincent. Vous me reconnaissez? Igor Grishka Bogdanov, l'inspectrice des fraudes sexuelles au bureau. C'est Roby qui vous parle, bonjour à tous les Bitbourgeois, bonjour Bitbourg, wake up before you go, il est pile poil 10h30 du matin, le soleil brille, let the sun shine, wouh, let the sun shine in, vous qui nous écoutez maintenant sur BBFM, toute fréquence hertzienne confondue, vous semblez peut-être un peu perdu, mais ne vous inquiétez pas, le grand Roby veille au grain, il vous propose un petit récapitulatif en compagnie de monsieur l'historien de Bitbourg. Bonjour Roby. Bonjour l'historien de Bitbourg, ISI, quel beau nœud papillon. C'est pas un nœud, c'est un vrai papillon, regarde. Il bouge encore quand je titille l'épingle qui le maintient accroché à la peau de mon cou. Oh, c'est groovy ça, le papillon en piercing sur la peau du cou. C'est de ma famille, mon frère a un mulot sur la peau du cul. Ouch, ça doit sentir mauvais. Le mulot se lave, vous savez. Wouh, groovy. Qu'est-ce que je dois dire là? Vous êtes historien, monsieur l'historien, racontez donc l'histoire. Ah oui, c'est vrai. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois. Vincent David et Rebecca Comment déjà arrivaient à Bitbourg. Monsieur David y venait pour soigner sa maladie, la maladie de Monsieur Dumbo. Et Mademoiselle Comment déjà, sa collègue du bureau, venait juste pour l'accompagner. Si Mademoiselle Comment déjà goûtait aux délices de notre ville, Vincent David y voyait là le repère de bon nombre de conspirations qui mettaient en danger Bitbourg et ses habitants. Illusion, démence, qui peut réellement le dire? Toujours est-il que dernièrement, par un habile subterfuge, il s'autoproclama maire de Bitbourg et changea sa fonction en celle de souverain. Le roi David régnait. Mais qui se cachait derrière lui? Qui donc? Jacqueline Goubillard, la grande voleuse, jamais arrêtée à ce jour, sauf ces derniers jours où en fait elle a été arrêtée. Mais elle s'est évadée depuis. La guerre civile fit rage et le docteur Paolo Bottomi, le seul et grand chirurgien de Bitbourg, perdit la vie, ainsi que son infirmière Jennifer. Après la perte de deux de nos enfants, nous, Bitembourgeois, nous avons enfin signé la paix. Et Vincent David fut gracié, car en réalité il n'était que le jouet de cette vilaine Jacqueline Goubillard. La paix est enfin revenue dans Bitbourg, et tous nos habitants, et Dieu seul le sait qu'ils sont nombreux, ont pu reprendre une vie normale. Et c'est tout? Bah oui. C'était chiant. Je pense pas. On ne vous paye pas pour penser, on vous paye pour faire l'historien. Moi je pensais que vous alliez raconter des histoires avec des blondes, des bites, des paix, des trucs comme ça, des trucs drôles quoi. Bah, c'est-à-dire que je connais pas d'histoire comme ça, moi. Pas de trucs avec des paix, des bites, des blondes et des belges? Bah non. Eh bien, chers auditeurs de BBFM, je vais rattraper ce coup-là que j'espère vous nous pardonnerez. Alors, c'est l'histoire de trois types, un blond, un brun et un gros roux qui pue. Éteignez-moi cette radio. Vous n'aimez pas les histoires avec des roux qui puent? Vous aimez les histoires avec des Vincent qui puent? Mais les Vincent puent pas. Hein. Et les roux? De quoi? Les roux de voiture? Intéressant. Vous feignez la stupidité pour me pousser à noter que vous êtes réellement malade. C'est donc ici que vous dormez? Par terre. Rebecca veut toujours prendre le lit. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis gentil. Y a aucune conspiration derrière tout ça, c'est ce qu'il faut que je me dise. Intéressant. Le sujet parle de conspiration alors que moi-même n'en ai jamais mentionné une. Alors, monsieur David, racontez-moi tout. Voilà 4 mois que vous êtes en congé maladie à Bitbourg. 4 mois, c'est long. Je suis ici pour vérifier que vous êtes bien malade et que le bureau du secteur ne vous paie pas. À vous la couler douce. Je suis vraiment malade. Et votre maladie, si je me réfère à votre dossier que j'ai là sous les yeux, c'est la maladie de Monsieur Dumbo, c'est ça? Oui. Maladie qui consiste à... À m'empêcher d'avoir une vie normale. C'est-à-dire? Monsieur Dumbo est timide. Vous voulez parler de ces téléphants avec une trompe et des grandes oreilles? Vous me surestimez, Igor Grisha Bogdanov, mais c'est gentil. Oh, vous parliez de votre shop. De ma quoi? En gros, vous êtes impuissant. Pardon, Maître Abdoul. Je m'emporte, je ne suis pas impuissant, Mademoiselle Bogdanov. Eh bien, nous allons vérifier cela tout de suite. Qu'est-ce que vous faites? Je ferme la porte de votre chambre à clé. Vous ne sortirez pas d'ici tant que je ne vous aurai pas confondu. Il faut que je ramène les preuves au bureau pour démontrer que vous n'avez jamais été malade. Et croyez-moi, je sais y faire. Vous avez vraiment besoin de mettre ce gant? Monsieur, si je vous ai réuni ici... Madame. Pardon, monsieur le directeur? Vous avez dit messieurs, ce n'est pas bien. Vous auriez dû dire messieurs, dames. Mais pourquoi donc? Parce que c'est une femme, monsieur le maire. Ah. Mais monsieur le maire n'est pas une femme, surveillant Maton. Non, monsieur son conseil municipal, mais monsieur le directeur, oui. Ça ne veut rien dire ce que vous venez de dire, surveillant Maton. Non, monsieur son conseil municipal, mais monsieur le directeur, oui. Il y a une négation qui s'oppose avec une acquiescence et de plus, il n'y a aucun verbe dans cette phrase. Je crois que nous tournons un peu autour du pot, monsieur le maire. Mais non! Nous sommes assis autour de mon bureau. Je sais que vous n'êtes pas un fan de l'acajou, que vous trouvez le chêne plus in, mais moi, désolé, je trouve l'acajou trop batte. Ça me fait kiffer grave, un bureau en acajou. Non, je voulais juste dire que cette discussion ne menait à rien, monsieur le maire. Recommencez depuis le début, monsieur le maire, en insistant bien sur le messieurs-dames, car je suis une femme, quand bien même on a coutume de m'appeler monsieur le directeur. Vous êtes une femme? Vous en êtes sûr? Mais enfin, monsieur le maire, mais oui! Vous ne vous souvenez pas? Si, une femme, c'est quelqu'un qui n'a pas de pissou. Vous n'avez pas de pissou, monsieur le directeur. On la commence, cette réunion? Soyons sérieux. Soyons politiques. Soyons chiants. Très bien. Si je vous ai réunis en ce jour, messieurs, dames... Il avait pas intérêt à la louper, celle-là. C'est qu'il y a de bonnes raisons de vous réunir. Vous savez tous que depuis ces derniers temps à Bitbourg, de grands changements ont eu lieu. C'est vrai, ça. À un moment, on a eu plein de prisonniers, et puis à un moment, on n'en a plus du tout. Oui. Nous reviendrons sur l'évasion de Jacqueline Goubillard tout à l'heure, ainsi que sur cette Igor et Vilma Olpatov qui prétend être une inspectrice des fraudes sexuelles. C'est Igor Grishka Bogdanov, monsieur le maire, à l'enquête sur Vincent David, puisqu'il travaille dans le même bureau. Oui, Vincent David, parlons-en de celui-là. Il est arrivé à Bitbourg voici 4 mois, en compagnie de Rebecca, comment déjà ? Ah merde, j'oublie toujours son nom de famille, moi. C'est comment déjà ? Vous aussi, surveillant, vous ne savez plus ? C'est Rebecca comment déjà, monsieur le directeur. Comment déjà, c'est son nom de famille. Oui, bref, et peu importe. Ces deux personnes sont arrivées dans notre ville il y a 4 mois. Au même moment, nous avons décidé de créer l'hôtel de Bitbourg et tout ça, vous connaissez l'histoire. Hein. Si ce n'était sa paranoïa. Paranoïa, monsieur le maire. Monsieur David serait un homme charmant, mais bon, pour lui, le monde est régi par des conspirations et il s'est donné pour but de les combattre. Ce qui a souvent amené Bitbourg au bord de la soudure. Rupture. Passons aux derniers événements marquants. Outre le retour de Jacqueline Boubillard, la grande voleuse de Bitbourg que nous avions réussi à oublier depuis pas mal de temps. Un mot sur ce sujet, monsieur le directeur ? Oui, merde. Pardon ? J'ai dit merde. Pardonnez-moi cet écart de langage, mais cette Jacqueline commence à me les hacher en petites tranches. Lorsque Vincent David est arrivé, elle a vu en lui le pigeon idéal. Elle l'a donc manipulé pour que nous en arrivions à ses dernières extrémités, à savoir la guerre civile. Oui, d'ailleurs, sans le maire des bois et petit son conseil municipal, c'est-à-dire nous. Bitbourg serait toujours sous le joug de Jacqueline Boubillard. C'est vrai ça, monsieur le maire, tous les deux, vous avez été des héros. On ne peut pas vraiment dire cela de vous, surveillant Maton. Vous étiez aux ordres de l'ennemi. Il retenait ma femme en otage. Mais vous n'avez pas de femme. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne peux pas en avoir. Il suffit. L'heure n'est pas au règlement de compte. Nous n'allons pas tondre le surveillant Maton parce qu'il a, fut un temps, pactisé avec l'ennemi et montré sa grande lâcheté. Mais je vous emmerde, moi, je ne suis pas là, j'ai juste des fois un peu peur. Un peu de respect pour monsieur le maire, surveillant. Toutes mes excuses, monsieur le maire. Oui, toutes mes excuses. Excuses acceptées, surveillant Maton. Vous êtes fourbe, mais vous avez le physique pour, cela se comprend. Donc, Jacqueline Boubillard, la guerre civile... Eh bien, ça a fait des dégâts. Le plus gros dégât étant cette perte terrible de nos deux citoyens les plus appréciés de notre ville. Oui. Un malencontreux accident. Il me manque, monsieur le maire. Pas qu'à vous, monsieur son conseil municipal. Vous n'êtes pas le seul à ressentir ce vide dans votre cœur. Paolo, Jennifer, cela fait bizarre de vous parler alors que vous êtes enterré juste devant moi et qu'une chape de béton vous sépare du monde des vivants. Bitbourg continue à battre de son petit cœur avec quelques petites crises de tachycardie par instant. Mais vous manquez à tout le monde. Toi, Paolo Bottomi, grand chirurgien, mon cousin éloigné. Et toi, Jennifer, petite infirmière à la poitrine ferme et, je suppose, douce. Paolo, j'espère que tu me pardonneras tout ce que j'ai fait contre toi. Lorsque j'ai fait du vaudou et que j'ai ramené à la vie le zombie du docteur Dumbo que tu avais malencontreusement assassiné de sang-froid, juste pour m'amuser, pour me venger de ta réussite et parce que, voilà, j'adore la magie noire et pardonne-moi. Et pardonne à Vincent David également. C'est un bon gars. Il a très bien appris auprès de moi les méthodes orientales de décontraction du gland. Voilà, petit Roméo et Juliette du feuilleton. Je dépose ces quelques lilas sur vos tombes. Aussi loin que s'en souviennent les lilas, ils n'ont jamais été aussi beaux que sur l'ombre de votre vie. Vos deux tombes côte à côte. Ah, ce cimetière est bien triste ainsi. Oh, un marchand de glace! Eh bien, je vais prendre un cornet 3 boules, fruits exotiques, pêche et banane. Ça vous fait de l'effet, là? Et puisque je vous dis que ça sert à rien, je suis malade. Jamais vous ne réussirez à ranimer mon monsieur Dumbo comme ça. Tournez-vous. Et là, ça fait quelque chose ? Oui, mal. Bonjour, Macaroni. C'est moi, Bouy. Tout de suite, Périsan. Aussi loin que je m'en souvienne, à la Joyeuse Goutte, on a toujours servi à boire à nos clients, surtout lorsque ses clients sont habitués. Ouais, ça fait du bruit depuis la guerre, là. J'ai maté que c'est le bignot pour faire tout. Ouais, c'est vrai qu'on est mieux sans la guerre, enfin. Faut pas trop en vouloir à Vincent David. C'est Jacqueline Boubillard qui l'a manipulé tout du long. Il est pas comme le 02 56 83 95 20. Macarol, tout you les moules. Ouais. Les où le touriste? Le touriste, Vincent David? Il est dans sa chambre, il y a la russe qui a deux noms pas possibles qui s'en occupe. Elle veut savoir s'il est vraiment malade, je crois, parce que ça fait 4 mois qu'il profite de son congé maladie. Et l'autre qui glousse? Sa copine qui glousse, mademoiselle, comment déjà? Elle est partie à la grande ville, dans leur truc où ils travaillent tous les deux pour expliquer ce qui leur arrive et pourquoi ils restent si longtemps à Bitbourg. Dis-moi t'es ma bite. Quoi, vous avez montré votre chope à Igor et Grishka Bogdanov? Non, dis-moi t'es ma bite. Bah moi aussi je lui ai montré ma chope. Elle est vraiment trop forte pour essayer de dénicher les fraudes sexuelles. Je me demande ce qu'ils font là-haut. Pourquoi vous êtes mis en cuir ? Eh bien, on va voir si votre monsieur Dumbo est insensible à tout. Ah, vous me croyez vraiment pas, hein ? Écoutez, de toute ma vie, je n'ai jamais entendu parler d'une maladie comme la maladie de monsieur Dumbo. Et mon travail d'inspectrice des fraudes sexuelles du bureau du secteur est de déterminer si oui ou non vous êtes bien malade. Suivant la réponse, nos directeurs verront si votre congé maladie de 4 mois est justifié ou non. Le foie est vraiment indispensable. Ça fait partie de la panoplie. Vous ne ressemblez pas trop à Zorro, là. Ce n'est pas le but. J'aurais toujours essayé de me raccrocher à quelque chose, mais... Aïe, mais ça fait mal! Tu aimes, chien. Dis que tu aimes, cela lorsque le cuir rencontre ta peau et que ton épiderme te brûle. Ben non! Mais arrêtez, vous êtes folle! Toujours rien? Ben non! Pas même de la taille du petit doigt? Ça ne changera jamais. Je fais une raison, vous savez, j'essaie de guérir ici, mais bon, c'est délicat. Nous pourrions organiser une battue ? Trop cher ! Et en plus, on l'a déjà fait dans un épisode. Mais si ! Si on lançait un mandat d'arrêt international ! Oui, un mandat d'arrêt international ! Trop cher ! Et si on achetait un matériel assez performant pour qu'on ait juste à appuyer sur un bouton et ça nous permettrait de savoir où il se trouve, non ? Trop cher ! Oh, il est chiant, lui, à trouver tout trop cher. Bon, ben, moi, si c'est comme ça, je fais rien. C'est vrai, monsieur son conseil municipal. Vous devenez ennuyeux à tout gâcher par votre amour de l'argent. Non ! Il faut vraiment trouver un moyen de rattraper Jacqueline Boubillard et Albert Tollard. Si Jacqueline est libre, Bitbourg est en danger. Mais que pouvons-nous faire? Elle a su nous berner pendant des années en se faisant appeler Jacqueline Aboubillara et en étant notre femme de ménage au centre de détention. On pourrait... Oui, on pourrait mettre une maison dans la forêt, une petite maison faite de pain d'épices et de chantilly, avec une sorcière à l'intérieur et Jacqueline et Alberto perdus dans la forêt iraient s'y réfugier et la sorcière les mettrait tous les deux dans son four pour les manger. Personne n'a d'idée. Eh bien, si vous le permettez, monsieur le maire, j'en aurais peut-être une petite. Enfin, monsieur son conseil municipal, pas devant les gens importants de notre ville. Je parlais d'une idée, monsieur le maire. Quelle idée? Eh bien, laissons le temps passer. Vincent David va bien entendu redevenir paranoïaque et surtout, il va se prendre de nouveau pour un héros. Et alors? Je l'aime bien ce petit gars, mais faut pas trop qu'il me donne des orties à manger, hein. C'est quoi cette expression? Où voulez-vous en venir, monsieur son conseil municipal? J'ai pas compris son expression, là. Viendra bien le jour où Jacqueline Boubillard et Albert Tollard referont une apparition dans notre ville. Vincent David ne se laissera pas piéger une deuxième fois. Il sait maintenant ce qu'il en coûte de s'associer avec cette veuve noire. Jacqueline Boubillard a été mariée? Je comprends pas votre expression, là. Expliquez-moi! Nous saurons bien tôt ou tard quand Jacqueline Boubillard sera de retour à Bitbourg. Et là, nous ne ferons pas la même erreur que la dernière fois. Nous connaîtrons sa dangerosité. À ce moment, nous frapperons et Jacqueline Boubillard ne sera plus qu'un mauvais souvenir. En définitive, vous nous conseillez, monsieur son conseil municipal, de laisser passer le temps, de reprendre notre vie d'avant et d'attendre que Jacqueline Boubillard refasse surface. C'est bien cela. Et moi? Et le surveillant Maton, qu'est-ce qu'on devient? Le centre de détention Jacqueline Boubillard est vide, il n'y a plus aucun prisonnier. Ça sert à quoi maintenant que je sois le directeur de cette prison s'il n'y a plus de prisonniers? Oui, c'est vrai ça, monsieur son conseil municipal. Que deviennent monsieur le directeur de la prison et le surveillant Maton? Il n'est pas de problème qu'il ne peut être résolu. Mais c'est quoi vos expressions? Je ne comprends rien. Je suis vanné. Je vous l'avais bien dit que vous n'arriveriez à rien. Permettez-moi que je m'allonge sur le lit. Voilà. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Alors comme cela, vous êtes vraiment malade de la maladie de Monsieur Dumbo? Bah, oui. Ça doit être dur à vivre. Bah, oui. Surtout quand vous dormez dans la même chambre que votre assistante de commission, chargée au bureau du secteur. Rebecca, comment déjà? Mais on n'a jamais couché ensemble, c'est juste une collègue de bureau. Bon, eh bien, mon travail est déjà terminé. Je n'ai décelé aucune fraude sexuelle. Mais votre congé maladie est terminé. Je dois tout de même vous ramener au bureau du secteur. Me ramener? Me faire quitter Bitbourg? Oui, si le bureau n'a pas de nouvelles prescriptions de votre médecin concernant une extension de votre congé maladie, je ne peux pas vous laisser ici. Vous faire perdre de l'argent à votre entreprise. Partir de Bitbourg, revenir à une vie normale sans conspiration? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Oh, ma valise! On s'en va tout de suite. Rebecca est déjà au bureau dans la grande ville. Partons la rejoindre avant qu'elle ne revienne à Bitbourg. Je vais enfin pouvoir quitter cette ville pourrie. Bah alors Vincent, c'est déjà fini, ça fait une heure que vous êtes en haut avec votre nouvelle dame. Si Rebecca prenait ça... Oui, la pas contente, jalouse. J'ai jamais couché avec Rebecca. Carole, je voulais vous dire merci pour tout. Mais, vous partez? Oui, je ramène Vincent David à sa véritable place, dans le bureau du secteur, là où il travaille. Je rentre chez moi, Carole, je rentre chez moi. Boy. Mais Vincent, attendez. Oh non, il est parti aussi vite que le 05 40 85 95 64. Je vous resserre un coup, le paysan? Mais oui. Ah, Jean, te revoilà. Pourquoi monsieur Vincent, il avait une valise? Il s'en va, il quitte Bitbourg. J'ai pas tout causé le petit pas là-bas. Triste, moi, il était bel petit. Oui, paysan, Vincent était un bon petit. Mais il peut pas partir, moi qui allais juste recommencer. Recommencer à quoi? Non, rien. Pas le temps. Bah, toi aussi, tu t'en vas, Jean? Bah oui, lui aussi, il nous quitte. Ah, je vous le dis, le père Isan, depuis quelque temps, tout fout le camp à Bitbourg. Hein. Aussi loin qu'on s'en souvienne, à Bitbourg, ça a toujours été comme ça, remarque. Oui, ben c'est bien ce que je pensais, hein. Ce sera mieux. Hein. Allez, je vous les coupe. Dites-moi, Jacques, c'est pas trop dur d'être le gardien de l'hôtel de Bitbourg? Non, ça me permet de finir le roman que j'avais commencé à écrire à l'hôtel Overlook et que j'avais pas pu finir. J'étais devenu fou, vous savez. J'ai failli tuer ma femme et mon fils d'Ali. Oh bah dites donc, vous étiez donc venu drôlement fou, hein. Remarquez que par ce temps, c'est chose courante et on peut bien vous comprendre. Oui, enfin voilà. Enfin, aussi loin qu'on s'en souvienne à Bitbourg, on a toujours été très compréhensif. Oui, c'est vrai, j'aime bien cette ville. Elle est charmante et le Bas-Rhin est une région agréable. Oui, et votre hôtel, il a souffert de la guerre civile? Il y a eu des dégâts? Il faut juste lui faire un ravalement de façade. Oh ben ça, c'est comme Madame Pinson. La guerre civile lui a fait un effet, oh là là là là là. Tous ses cheveux sont partis en poil de cul en plus, c'est le stress ça. Oui, c'est gênant. Bah oui. Oh là là là là, mais ce ne serait pas Monsieur Vincent qui s'en va là dans la rue? Accompagné de la charmante femme, là. Si, ça m'en donne tout l'air. Salut, Bitbourg. Adieu tout le monde, adieu la grande rue. Je me casse. Vous êtes content de partir? Oh oui, Igor et Grishka Bogdanov, très. Si vous saviez le calvaire que ça a été ces vacances... Si vous saviez... Ma voiture est sur le parking de l'hôtel La Belle Étoile. Attendez-moi donc ici, sur le parvis de l'église. Je vais la chercher et je passe vous prendre. Oui. Mais dépêchez-vous, je ne veux pas rester plus longtemps ici. Et j'ai l'impression qu'à l'idée de partir, je guéris de la maladie de Monsieur Dumbledore. On voulait dire que vous... Oui, on peut dire que mon moral remonte. Je me dépêche alors. Ah oui, dépêchez-vous Igor et Grishka. Bon, je vais m'asseoir. C'est la dernière fois que je te regarde en face, Bilbour. La dernière. C'est quoi ce bruit? Y a quelqu'un qui fait pipi contre l'église? Non, c'est moi, Vincent. Vous vous souvenez? Larynx? Larynx Zion, c'est vous? Vous êtes où? Juste derrière la poubelle, mais stop! Ne vous levez pas, n'avancez pas, je dois rester caché! Ouais, je vois, vous voulez toujours rester dans l'anonymat. Non, je veux juste rester caché derrière cette poubelle. Aussi loin qu'on s'en souvienne, un informateur secret a toujours été caché derrière quelque chose. Ouais, l'informateur secret est un guerrier de l'ombre. Ça fait plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que vous avez fait depuis tout ce temps? Eh bien, j'ai été malade un moment, et puis après, vous aviez l'air tellement occupé que j'ai pas pu vous déranger. Ouais, vous auriez dû. Je m'ennuyais sans vous, si vous saviez. Comme c'est bête, je m'en vais. Je quitte Bitbourg. Je ne combattrai plus les conspirations. De toute façon, il n'y en a pas. C'est ce qu'il faut que je me dise, là. Sinon, je fous la merde et personne ne me croit, de toute façon. Moi, je vous crois, Vincent. Et je vous ai toujours cru, d'ailleurs. Il ne faut pas que vous partiez, Vincent. Il faut que vous restiez à Bitbourg. Mais non. Ah, attends une seconde, la réaction. J'ai l'occasion de quitter Bitbourg. Ce que je désire le plus au monde depuis le début. Mais que, à cause de Rebecca, des conspirations, tout ça, et du fait que j'ai pas encore guéri de la maladie de Monsieur Dumbo, j'ai pas pu partir. Mais vous devez rester. Il y a des conspirations, Vincent. Il y en a plein. Et puis, j'aurai plus de travail si vous partez. Il y a encore des conspirations, vous dites? Mais quelles conspirations? Eh bien, réfléchissez. Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait... Jacqueline Boubillard, elle s'est enfuie. Oui, c'est vrai, mais je veux plus la voir, celle-là. Elle est vilaine. Oui, ça c'est vrai, mais qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Elle peut revenir à Bitbourg. Bah oui, bah voilà, ça fait 200 francs. Oh, c'est cher. Oui, mais c'est de l'information secrète de premier choix. Ouais, tenez. Merci. Alors vous voyez qu'il faut que vous restiez, hein. Vous seul pouvez sauver Bitbourg de Jacqueline et des conspirations qui peuvent venir à votre ville. Ouais, vous me mettez en face d'un dilemme, Larynx. Bah non. En plus, je sais pas à quoi ça ressemble comme bête, ça. Comment voulez-vous que je vous mette en face de ce dilemme, là, machin truc? Ouais, je doute. Que dois-je faire? Restez, Vincent, je vous en prie. Il faut que je réfléchisse. Que fait Igor et Grishka Bogdanov? Alors nous sommes donc tous d'accord. Aussi loin qu'on s'en souvienne, on a toujours agi comme ça de toute façon. Attendre et ne rien faire. Oui, c'est bien cela. Mais moi, j'ai toujours pas de prisonnier. Eh bien, nous verrons cela plus tard, monsieur le directeur de la prison. Pour l'instant, nous devons attendre et ne rien faire jusqu'à ce que Jacqueline Boubillard montre le bout de sa queue. De son nez. De son nez ou de sa queue, je ne vois pas trop la différence du moment qu'elle montre un de ses bouts et que là, nous saurons qu'il faut agir. Il y a quelque chose qui cogne contre votre fenêtre, monsieur le maire. Quelque chose qui rogne contre ma tête? Oh, allons voir ça tout de suite. Mais ce pilou-pilou! Pilou-pilou! Qu'est-ce qui lui prend, là? Ce pilou-pilou! Mon cacatoès apprivoisé qui parcourt le ciel de Bitbourg depuis des années, libre comme l'air. C'est mon meilleur ami animaux. Alors, pilou-pilou, ça va? Je comprends. C'est dur de voler par tant d'orages. Tu n'as pas failli te prendre des balles, sinon, pendant la guerre civile. Ah, tant mieux, j'en suis fort aise. Quoi? Dis-moi tout, quelle est cette terrible nouvelle? Vincent? Quoi, Vincent David? Il s'en va. Il s'en va quoi? Ah, il s'en va. Quoi? Il s'en va? Mais où ça? Par le chien! Mon Dieu, il faut vite l'en empêcher. Mais que se passe-t-il? Vincent David s'en va. Monsieur son conseil municipal, monsieur le directeur, vite, venez, il faut l'en empêcher. Mais, et moi, on m'oublie? Ah, bonjour, Pilou-Pilou. Moi, c'est le surveillant Maton. Tu es bien gros pour un cacatoès, dites donc. Oui, tu es bien gros pour un cacatoès. Reviens, explique-moi. Mais je ne comprends pas votre expression. Ne viendra plus, Vincent. faut vous faire une raison. Mais... elle m'a dit qu'elle allait chercher sa voiture dans le parking de l'hôtel La Joyeuse Goutte. C'est pas bien loin pourtant. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de l'attendre sur le parvis de l'église. Et alors, vous la voyez? Elle est là? Bah non. Alors vous restez à Bitbourg, Vincent. Vous continuez à vous... à combattre contre les conspirations et moi je vous donne les infos secrètes puisque je suis votre informateur secret. Ouais, vous êtes vénal. Non, je suis Bitbourg en joie. Et je veux me battre pour cette ville que j'aime. Ouais, c'est vrai ce que vous dites? Non, je veux juste de l'argent pour vivre. Un informateur secret, c'est un homme comme bien d'autres. Il a besoin d'argent pour vivre. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Merde, je vais jamais réussir à quitter cette foutue ville, moi. Oh mince, voilà monsieur le maire. Je m'en vais, je dois rester secret. Ouais, restez dans l'anonymat, ça vaut mieux, c'est votre lot. J'espère que vous ferez le bon choix, Vincent. Larynx. Adieu, Larynx. Vous étiez mon pote. Vincent! Vincent! Vincent, enfin on vous retrouve! Eh bien, monsieur David, que faites-vous avec cette valise sur le parvis de l'église? Oh, monsieur le directeur! Vous venez de faire des rimes! Oh, c'est trop beau! Merci. J'ai su rester poète, j'ai fait des études littéraires, vous savez. Oh, comme nous nous connaissons mal en vérité. Monsieur le maire, nous étions venus ici pour empêcher monsieur David de partir, rappelez-vous! Oh, oui! Alors, Vincent David, c'est quoi que vous me faites, hein? Mon cacatoès m'a prévenu que vous alliez partir. Votre quoi? Mais pardon, là, j'ai du mal à comprendre. Pilou, pilou! Mon cacatoès qui survole Bitbourg, libre comme l'air. Je l'avais apprivoisé il y a quelques années. Et puis un jour, je lui ai dit... pilou, pilou! Mon enfant, mon fils, ma bataille, fait comme l'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Et il s'est envolé. Et depuis, il revient me voir de temps en temps. C'est un très gentil cacatoès. Alors, vous comptez réellement nous quitter? Eh bien, après ce que j'ai pu faire, je pensais pas que vous essayeriez de m'en dissuader. Mais mon petit Vincent... Monsieur David, on vous aime. Vous êtes comme un vrai bourgeois maintenant. Aussi loin qu'on s'en souvienne, on vous a toujours apprécié à Bitbourg. Ah bon? Mais les conspirations, tout ça, enfin, je croyais que vous ne me croyiez pas. Ah ça non, on vous croit pas, hein. On vous considère comme un crétin fini, mais on vous aime. Non, vous me faites marcher, là. Mais enfin, voyons Vincent, puisqu'on vous le dit, c'est que c'est vrai. Je pourrais même tomber amoureux de vous. N'allez pas jusque-là, monsieur son conseil municipal. Les gens finiraient par se rendre compte que vous êtes homosexuel. Vous êtes homosexuel? Mais pas du tout, pas du tout, non, pas du tout. C'est que des conneries, ça. Faut pas croire ce que les gens disent. Alors, vous restez avec nous encore un peu? Non, monsieur le maire, désolé. Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Bon, maintenant que je pars, je peux vous le dire. Je hais cette ville. Et puis je vous hais tous également, là. C'est pas possible de rencontrer des gens aussi dénués d'intelligence, de bon sens et de... Oh, j'arrive même pas à trouver les mots. Et puis, tiens, la voilà enfin. Igor et Grishka Bogdanov, qui travaillent dans la même entreprise que moi, va me ramener à la maison. Je pars de Bitbourg. Rebecca m'a précédé. Vous ne me reverrez plus jamais ici. Allez, viens, Igor et Grishka, je t'attends. Mais que fait-elle? Mais elle risque non, de... Non, pas ça! Ça alors? Sa voiture a glissé sur une peau de banane. Aussi loin qu'on s'en souvienne à Bitbourg, la peau de banane a toujours été le facteur de bon nombre d'accidents. Vous croyez qu'elle est morte? Grishka, mon seul espoir. Eh bien, je suppose que ça signifie que vous devez rester à Bitbourg, Vincent. Mademoiselle Comment Déjà va bien revenir un de ces jours, n'est-ce pas? Oui, je... Enfin... Vous allez devoir rester dans la ville que vous haïssez. Je... Oh, bon Dieu. Je ne suis qu'une merde. Allez, venez, monsieur David. Je vous offre un verre à la Joyeuse Goutte. Ensuite, nous viderons notre valise ensemble. Ça va être chouette. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et pour finir, les fantastiques aventures de Pilou Pilou, le fantastique cacatoès jongleur. Thank you. Piloupilou, le cacatoès jongleur, aime à s'amuser dans la forêt. Il aime aussi manger des noix de coco ainsi que des cacahuètes. Piloupilou est un cacatoès farceur, surtout lorsqu'il rencontre Bibou, son ami le phoque. Bibou, son ami le phoque, aime coucher avec les autres phoques mâles. C'est normal, il est homosexuel. Homosexuel comme un phoque. Mais ce n'est pas grave. Piloupilou, le cacatoès, aime bien son ami Bibou le phoque. Car ils sont amis tous les deux. Et l'amitié, ça n'a pas de prix. Un jour, ou plutôt un matin, ou même, dirais-je, une nuit, surgit du ciel cacatoès. Piloupilou. Ou, à l'inverse, Piloupilou, le cacatoès. Il surgit dans la forêt en battant de ses ailes pour aller cueillir des coquelicots qui sont dans la forêt. « Oh là là, oh là là, oh là là !» se dit-il. « Qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux, qu'ils sont beaux !» Il faut savoir que Piloupilou répète souvent ce qu'il dit, car Piloupilou est un petit peu con. Mais ça n'est pas grave, et ce sera sûrement l'objet d'une autre histoire. Au revoir et bonne nuit.